Le Nouveau Monde, la nuit. Nous avions sauvé Wish City des rats. Nous avions quitté la galerie Est pour fuir ces mêmes rats. Une telle bataille nous avait volé notre bien le plus précieux. Booze, mon ami. Nous avions découvert le grand feu qui parcourait le grand plafond bleu de ce monde-ci. Nous avions rencontré Bander, une chauve-souris comme lui-même se présentait. Et nous affrontions notre premier danger. Oh oui, j'en ai marre de courir et en plus toi tu tombes. J'ai trébuché, pas ma faute. Elle passait une nouvelle fois au-dessus de nos têtes en criant. Quoi que puisse être cette chose, un hibou comme avait dit Bander ou je ne sais quoi, j'avais comme la désagréable impression de n'être rien d'autre qu'un tue-la-faim pour elle. Au moins 3, voire 4 fois plus grosse qu'un rat. Je me suis relevé. Nous courions entre les tiges vertes et humides, le souffle court baissant la tête à chaque nouveau passage de la créature et... Squeak ! J'ai senti une des pattes de la créature me frapper la tête, comme un bong énorme, une douleur violente, du rouge, de l'obscurité, des ombres, puis plus rien. Repose-toi. Tu es en sécurité avec moi, entre nous. Repose-toi. Mila. Oui, il faut pas que tu te relèves, Squeak. Te relève pas. Te relève pas. Relève-toi. Mila. Relève-toi, Squeak. C'est pas le moment de dormir. Hein? La créature est repassée une nouvelle fois au-dessus de nous, si proche de nous. Une de ses extrémités a envoyé Mila dans les airs. Ah! Je l'ai entendu se poser, ses deux pattes sur le sol comme un tambour dans ma tête. J'étais couché, les yeux dans le vague. Non, pas dans le vague. Des milliards de torches brillaient haut sur le grand plafond du Nouveau Monde. Des milliards de torches qui vacillaient. Elle avançait vers moi. Squeak, relève-toi! Hein? J'ai tourné la tête lentement. Mon cou a un peu craqué. La créature était au-dessus de moi. J'ai senti une de ses pattes, griffue, aux doigts si fins. Elle m'attrapait. Du coin de l'œil, j'apercevais son visage, énorme, presque carré, une sorte de museau jaune sombre sous les yeux. Un museau étrange, sans truffe, pas comme les rats. Ses grands yeux jaunes, brillants, cruels. La touche pas, sale bête! Mais la sale bête ne voulait en faire qu'à sa tête. Et c'était pas une petite Baefwish, même fille de grand dirigeant, qui allait y changer quoi que ce soit. Je voyais sa bouche, étrange bouche, jaune sombre, luisante et froide, comme du métal qui s'abaissait vers moi, ouverte, prête à m'avaler. Mila ramassait un bout de bois pareil à ceux qui pendent de la terre dans les cavernes. Excepté qu'il paraissait plus dur celui-ci. Mila, non! J'avais du mal à parler. Elle ne devait pas tenter quoi que ce soit. Elle ne devait pas risquer sa vie une nouvelle fois comme ça, pas pour me sauver moi. Je n'étais qu'un creuseur après tout, pas pour me sauver moi. Lâche-le! Elle a sauté sur la créature, le bout de bois bien en main. La bête a tenté de la déloger de ce qui semblait être son coup. Mais Mila frappait, frappait, frappait encore. Et le bois a frappé l'œil de la bête. Sous la violence du cri, Mila est tombée, arrachant un poil. Non, c'est pas un poil, une sorte de grand losange du corps de la créature. Allez-y, maintenant! Des dizaines de projectiles vinrent percuter la créature blessée. Elle reculait pas à pas en hurlant, et les projectiles de la taille d'un Baefwish ne cessaient de la frapper. Mila se relevait, hébétée. La créature battit des bras et s'envola. J'avais terriblement mal à la tête. Squeak! Mila s'était avancée vers moi, à genoux, près de moi. Ses bras me soulevant, ses genoux sous moi, ses bras, ses mains, mal. Les ombres aussi grosses que les rats descendirent des grands pylônes. Et Mila, attends. Des rats, sûrement des rats. Bye.